Alors je me présentais silencieuse, craignant d'égarer mes pensées. Chaque lettre, chaque examen fut une offrande ou déclaration d'amour à des oreilles mortes. Mes amants n'entendirent jamais les consolations que je tissais de mes mains, subsistance d'un point fragile, aussi fragile que le temps en ces étés. Dialogue à l'ombre d'autres dialogues, le bourdonnement de banales convulsions sur des excès et des réussites pérennes entre Troyens et leurs bourreaux, de chars qui simulèrent le crépuscule, de pupilles qui n'expiraient pas à Oli, de lances brisées sur la peau du héros et le hurlement des corbeaux dans les tours. La mort d'Ajax parmi tant de corps advient devant une multitude d'ombres au rythme de monologues funestes comme l'écho. Dans les ruines de Mycène, nous vivons d'espoirs qui sont tyrannie. À Thèbes, centre d'un autre corps exsangue, où les murs gardent sa lamentation, celle d'Oedipe avant de reconnaître son crime. Suspendu dans ma prison, je tisse les fils de ceux qui ne reviendront jamais. D'Oli à Ithac, le fil est une seule douleur, celle du vainqueur et du vaincu. Ulysse et Cube.